Salut. Salut, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans Je la vie? m'appelle Isaac et je suis étudiant en économie. Moi? Tu veux te dire en tant que quoi? Pardon, je sais pas. Librairie? Je suis étudiant en économie. Économie. Oui, c'est pas. D'accord. C'est qu'est-ce que t'amènes ici? T'as des beaux. J'ai. Tu vois des trucs là, ils sont nouveaux. C'est pour ça depuis tout à l'heure. Chut, hé, hey, parle. J'ai déjà été hospitalisé et maintenant j'ai envie de me réorienter. C'est-à-dire que là, je suis un peu en année sabbatique et je m'ennuie. Donc je suis passé. Ah. T'es hospitalisé, donc tu te fais hospitaliser parce que tu t'ennuies, Isaac, Non, ou j'ai été hospitalisé. Ah, d'accord. Ici. Et là, tu te fais réhospitaliser. Non. Il est Là, je passé suis parce libre. qu'il s'ennuyait. Enfin, Voilà. Ah, d'accord, ok. Exactement. D'accord. Ok. Merci. Et du coup, t'as déjà fait de la radio ou pas? Non, c'est la première fois. D'accord, pas moi aussi. Ah C'est bon? cool. Ouais. Moi j'aime bien. Enfin, quoi, la première Mais expérience. toutes les deux, vous connaissiez à la base, vous êtes de passage, vous êtes invité, vous êtes. C'est ma psy par procuration. C'est pas vrai. C'est ta meilleure pote? Non, non, non, on se connaît vraiment de d'ici en fait. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Bah Des vous fois, êtes. ici, c'est pas calme tout Ouais, le temps. vous êtes plus hospitalisé. Ouais, Des fois, profitez-en, c'est mais. les sbeules, hein. Même moi, je Ici, trouve là, tu que. vois, là, c'est calme, là. Parle un peu Mais proche du des fois, c'est micro, pas. Mais vous Si êtes des fois, c'est pas hospitalisé si tous les calme. deux? Non, non, moi, je suis en Des stage. fois, c'est vraiment la D'accord. merde. Des fois, il y a des gens qui sont Et elle, bons. elle est Tu vois? hospitalisée. Et du coup, je C'est l'ai des rencontrée. sbeules, des Enfin, on fois, s'est ça fait. rencontrés là il y Toi, a tu l'as 3-4 jours. Non, moi, je Et viens on pour s'est entraîner, on beaucoup va dire. parlé. Ah, coup de foudre amical, quoi. Non, on Après, s'est des beaucoup fois, parlé. quand je veux rappeler, je vois ce qu'ils jouent. CJ, mets les casques, sinon Ah, tu es un peu désolé. en dehors Et de de quelle tout. origine? Moi? Oui. Camerounaise. Mais ça se voit au niveau des traits, la désert de moi, au niveau du menton, des pommettes. Les Camerounaises, on a une caractéristique du visage, on ne peut pas se rater. T'as vu sans caméra ou pas? Ça veut dire quoi, On ne peut pas se rater? Non, non, les carrés. Génétiquement. Génétiquement, on a à peu près des traits similaires. J'ai reconnu des Camerounaises par rapport à leurs traits. Où ça exactement? Comprenez pour des Antillaises parce qu'elles avaient la peau claire. Donc. Mais où ça exactement? Caractéristiques? Le nez, les pommettes et la mâchoire. Ah Après, oui. je peux me planter. Hein. Attends. Non, non, je suis camerounaise. Et voilà. Et tu fais quoi Je dans la suis vie, fort, hein? hein? Je suis fort. Voilà, moi, voilà. Ah? j'étais donc, du coup Vas-y, quoi? en alternance dans le secrétariat médical. Mais. Sophie. Je suis ici pour me reposer. D'accord. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que Mais bon, ça m'intéresse plus le secrétariat médical. Je m'attendais pas à cette question. Et toi, ça t'intéresse toujours le. Non, j'ai envie d'aller en médecine. Médecine en général? Oncologie. Oncologie. Pour le cancer. C'est cancérologie. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai envie de faire depuis tout petit, ça me passionne. Qu'est-ce qui te passionne là-dedans? Dans la médecine? Ouais. Les blouses blanches. Est-ce que c'est une réponse pour que je n'en sache pas plus ou c'est une réponse pour que je te pose des questions assez indiscrètes? Il y a Bon, quoi sous là, ta je suis un blouse peu blanche? fatigué, je te vois pas. Ah, il faut faire ça. Mais c'est bien, c'est bon, c'est au moins t'es honnête. Ok, je te laisse. 35 secondes. Vas-y. Oh, tu me connais déjà. Oui, mais il faut se présenter. Clara, je sais pas, est-ce que tu peux prendre ça parce que je t'entends pas ce micro, prends ce micro. Ah oui. Voilà. Attends, j'entends pas non plus, voici. Là, c'est mieux. Tu entends pas vraiment, moi. Non, attends. Tu peux le prêter son micro une seconde? Voilà. Là, c'est mieux. Oui. Ouais. Ah, oui. Bah, du coup, tu m'as fait demander quoi? Bah, présentation. Ah, présentation. Bah, du coup, je m'appelle Clara. Ah. Voilà, je suis stagiaire psychologue. C'est mon premier stage en psychologie. Donc, je découvre tout. Ah, tu vas rester combien de temps? C'est 2 semaines. C'est un petit stage, un premier stage. Et à côté, je fais beaucoup de criminologie. D'accord. Donc, voilà, c'est Est-ce que les profils, est-ce que les criminels, ça te passionne? Quand je dis ça te passionne, on Oui, parle bien de sûr. complexité niveau. Bien sûr, pas de manière fascinatrice, bizarre. Non, Non, non, bien t'as sûr. pas l'air comme ça, Non, toi, non. non. Non, oui, les criminels, mais aussi les victimes. Les D'accord. deux aspects, victimologie et criminologie. Je trouve ça Ah, très j'y arriverai intéressant. pas, t'es courageuse. Hein. façon que ça. C'est vrai? Non, ah, pas bon, d'accord. Mais c'est justement, je pense que c'est important de, même avec de la peur, de, d'aller, d'essayer de comprendre. Mais c'est vrai que je te dis ça, mais des fois, quand je regarde, fait entrer l'accusé. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. Ouais, ouais, ouais. Mais les profils des types. Et même dans fait entrer l'accusé, quand ils interrogent des personnes de la famille, il y en a là-dedans qui sont coupables. Ils sont passés à côté des flics. Parfois, ouais. Ouais, parfois. Quand on interroge l'oncle, oh, c'était quelqu'un de bien, chez mais c'était lui le coupable, en fait. Les flics sont passés à côté où ils ont classé le truc, quoi. Ouais, ça, c'est. Et psychologiquement, je sais pas comment ils font. C'est incroyable. Ouais, de tuer quelqu'un, de le mettre dans un sac, et de le mettre dans la forêt, de l'enterrer, et d'aller se coucher. Moi, non, mais attends, moi, le gars, l'affaire. Tu sais, le gars qui avait tué toute sa famille avec un fusil, c'était ouf quand même. Avec un fusil? Oui, il avait fait croire à tout le monde qu'il était médecin pendant plus de 15 ans. Ah, l'affaire Roman? Ouais! Il a tué sa femme et ses deux gosses avec un fusil pendant qu'ils dormaient à bout portant. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas les rater. Il a tué ses parents, les chiens des parents. Exact. Après manger. J'allais dire ma gueule. Après manger. Je me suis cru encore à la gare. Et après, il est parti chercher son fils. Son autre fils à la gare, je crois. Parce qu'il a... Ah non, là, vous parlez de... Micro. Isabelle, micro, là. On parle pas du même. Hein. Ça. Mais c'est à peu près la même histoire. Oui. Non, l'affaire Roman... Dupont, de, Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Putain, voilà. Mais... ouais. Moi, je parle d'une autre affaire. Et après, ouais, mais c'est à peu près la même chose. Et après, le lendemain, il est parti récupérer un de ses fils à la gare. Ils ont pris une chambre d'hôtel. Il l'a tué. Et il l'a laissé dans les bois. Et, après, et là, le gars, on ne sait pas où il est. Soi-disant. Donc, non, mais sérieux. Et comment est-ce qu'il a pu... Enfin, je ne sais pas. C'est se dire, attends, parce que j'ai pas tué tout le monde, surtout. Parce que, tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais après, ils vont dire qu'ils entendent des voix à nous. Bon, je pense que c'est une excuse. Ouais, voilà. Oh, avec cette porte qui fait... Mais, ouais, schizophrène, frère. Je sais pas, ils entendent des voix, ils sont... Parle au micro, ben, j'entends. Surtout qu'il n'avait pas tué tout le monde. Ouais. C'est des gens qui ne fonctionnent pas comme nous, en fait. Ils n'ont pas d'affect. D'affect. Ils n'ont pas sensibilité. C'est pas les sérieux qui l'ont. C'est. Je vais parler de la psychopathie ou la sociopathie. Ouais, donc c'est ça. Mais. Alors, je sais pas si pour le cas de Xavier. Je pense qu'il est, oui, peut-être, psychopathe, mais. Après, c'est pas fait sauter le caisson, le mec. En fait, chercher à comprendre pour des esprits. Attends que ces enfants dorment. Des idées comme nous, enfin, des esprits, mais un cerveau qui réfléchit comme nous. Et c'est assez complexe parce que se mettre à la place de quelqu'un qui tue et prétendre qu'on comprend, déjà, on a un pattern, peut-être qu'on a des patterns psychologiques qui sont similaires à la psychopathie. Mais pour passer à l'acte, comprendre le passage à l'axe, toi tout à l'heure, on parlait aussi de pardon. Tu parlais de pardon. Si aujourd'hui tu ne pardonnes pas à X personne pour X acte, est-ce que demain ça te pousserait à prendre quelque chose pour lui porter atteinte? Oui. Et dans ce cas-là, tu comprendrais du coup la personne. De l'avoir poussé dans un bus, oui, complètement. Donc ton acte est poussé par la vengeance? Ouais. Et c'est important pour moi qu'on le comprenne. D'accord. Parce que je suis une victime à la base. Si je réfléchis comme Dupont de Ligonnès. Donc, ouais, je m'en fous, moi. La meuf, je la pousse. Il n'y a aucun souci. Une fois, j'attendais le train sur la ligne 5 pour aller à la gare du Nord et j'ai vu un homme qui ressemblait au père de mon fils, qui était proche du rebord. Et je me suis rapprochée, j'ai vu que c'était pas lui. Ou j'aurais poussé. D'accord, mais la psychopathie, c'est pas par acte forcément de vengeance. C'est par amour. Pour mes enfants, c'est pas. Oui. Je sais pas, moi, plus tard, s'ils battront leur femme. Voilà. il faut couper le mal à la racine. Hein. Et c'est vrai que il lui ressemblait, et je me rapprochais, j'ai vu que c'était pas lui. Et le type était près du bord. Donc après je suis rentrée chez moi. Non, je comme si c'est tranquille. Je me suis même demandé si j'étais normale. Ouais, si. C'est lui me foutre des baffes devant les enfants, c'était pas le bon plan après. Et le pire, c'est que le mec, je sais pas, la dernière fois que j'ai vu, il était à l'enterrement de ma grand-mère, je l'avais pas invité. Donc voilà, et je l'ai foutu dehors, quoi. C'est ma famille qui l'a invité parce que c'est le père de Noé. Samuel, c'est son fils, mais je le considère comme mon fils. Donc voilà, et je l'ai sorti de la baraque. Mais est-ce que tu fais un rapprochement du coup avec. Ouais, j'aurais pu le tuer à bout portant, ce type, pendant qu'il dormait. Facile. Mais toi, c'est parce qu'il a porté atteinte à ton intégrité ou autre chose. Ouais. Ouais, mais il le méritait. C'est ton opinion. Oui, ouais. Mais après, là, tu peux me frapper, mais pas devant les enfants. Voilà. Qui te dit que plus tard, ils vont pas frapper leur femme? Mais me frapper. Qu'en savons-nous? Me frapper sans les enfants. Exactement. Plus proche du micro, c'est Jesse. Voilà, bon. À cause de lui. Parce qu'on l'a toujours excusé, que son père a divorcé, était absent ou était violent, blablabla. Qui me dit que plus tard, Samuel et Noé ne peuvent pas taper leur femme ou leur foutre une baffe et puis la nana tombe et meurt. Parce qu'ils ont grandi avec ce type sous les yeux, donc pour eux, c'est la normalité de frapper leur nénette. Tu vois. Donc oui, on serait aux États-Unis, j'aurais le droit au port d'armes, j'aurais tiré dessus. Depuis très très longtemps. D'accord. Quoi ? Alors, quelle est la question ? Bon, après la chronique rouge d'hiver, fête d'hiver, on a la chance d'avoir notre chroniqueur gastrosophique qui va nous parler. Sophie, mais. L'orgasme culinaire. Voilà. Oui. Attends, c'est plus sympa. Ouais. Mais c'est vrai que j'aurais tué le père de Noé Samuel, je m'en fous de sa gueule. Mais mettez les casques, Sophie, parce que comme ça, vous entendez un peu la musique qu'il y a derrière, tout cette ça. Cette conversation m'a fait penser au sang. Bon débarras. Donc, je n'ai quand même pas parlé du boudin. Ça m'a soulagé de te le dire. Le sang, je mettais. J'espère qu'un jour tu seras comme moi. T'entends pas bien, alors. Attends. Pas trop, je vais vous prendre un drôle. Il est pas bon celui-ci. Oh, putain. Pas bien. C'est pas bien. Est-ce qu'on a raté un chapitre avec lui? Ah, il nous a parlé du sang. Après, il nous a parlé du. Mais oui, mais lui, il est pareil, lui. Sauf que comme non. Il est médecin, bon. On continue avec la. Alors, le rouge, ouais. C'est la couleur du sang. Ouais. Et je pense que le rouge va bien avec le marron du chocolat. Et pour se refaire une santé cérébrale, il fait baisser ses instincts de meurtre. Je pense qu'il faut manger du chocolat. Du chocolat noir. Sans sucre. Avec un zeste de menthe, docteur. Avec beaucoup de magnésium. Avec du potassium. Pour recomposer. La raison ne peut plus l'arrêter. Là. Des éléments ioniques fondamentaux pour l'équilibre de notre psyché. Le problème de tuer quelqu'un parce qu'il est violent, c'est qu'on devient comme celui qui est violent. Voilà. Donc il faut violent. Que j'excuse. Donc on tue un salaud, voilà. Très souvent, fait de nous des salauds. Oui, mais comme j'ai dit, docteur, même ils peuvent frapper, mais pas devant les enfants. Même, bien sûr, c'est extrêmement répréhensible. Voilà. C'est la première bien, faute, hein. C'est de ne pas avoir pu le choquer quand il a frappé une femme. Je pense que la plainte pénale se serait bien justifiée. Voire même une période à l'ombre, comme on dit, au jargon. Voyez. Et dans la cour avec des gens qui savent ce qu'il a fait. Ah, ça c'est une punition, mais qui ne relève pas des gens gentils comme nous. Je pense que la méchanceté, il faut la réserver, la laisser aux méchants. Les gens de paix doivent garder la paix, parce que sinon, contaminés. Ben vous devez dire par là l'équilibre. Non, c'est un déséquilibre. D'un côté, des gens qui s'entendent par la haine, par des identifications, l'agression. Par la vengeance. Mais c'est normal, docteur, à un moment donné, quand on. Un peu zen. On pète un caisson. Un peu pacifique, un peu écolo. Qui aime la parole, qui aime les bonnes choses à table, qui aime le sexe, comme certaines personnes ici présentes. Je ne veux pas citer de nom. Vous avez pourtant planté. Non, mais je dis à la dame. j'attire son attention. Ah, n'est-ce pas ? Précisons. Parce qu'il a dit sexe, c'est génial. Les auditeurs ça déstresse quand n'ont même pas vu mon doigt. Oui. Jusqu'ici. Vous m'entendez ? Bon, je vous pointe sans rien dire. Donc, je pense qu'il vaut mieux profiter des plaisirs de la chair, parce que ça, sinon ça va nous coûter très cher. La haine, non. Non, mais la docteur, haine. C'est vrai ce que je lui ai dit. J'ai vraiment cru que c'était... j'ai même appelé, j'appelle même la bête, Didier. Mmh. Donc voilà, j'ai vraiment cru que c'était lui sur lequel. Le type lui ressemblait vraiment, il était sur le bord. Mmh. Et plus je m'approchais, plus je voyais qu'en fait, c'était pas du tout lui, quoi. Les histoires, c'est faire pour que... C'est comme si Dieu m'avait déçu. Si m'avait vous trahi, écrivez une de ces histoires que vous avez racontées, avec un meurtre, ça devient un conte, une nouvelle, un roman. Et ça fera de vous une écrivaine. Mais si vous tuez, vous passez un acte, ça vous fera de vous une écrivaine. Ouais, mais bon, je... Ah bon ? C'est mais vrai. Lui, c'en est pas un ? Mais bien sûr, mec. Bon, bah voilà, vous voulez rivaliser avec un criminel ? Non, je rivalise pas avec lui, ça va pas ou quoi ? Bah donc, non, donc voilà. Mais bon. Ah, mais c'est mais important, Samuel, c'est important ce qu'il dit, parce que vous voyez, si vous écrivez un roman sur tuer par exemple quelqu'un, vous pouvez le tuer multiples fois. Mmh. Et vous allez être pas en prison, vous voyez ? Ça va être. Ah, c'est bien ça. Oui, oui. C'est bien. Cette multiple. Voilà, c'est la capacité de l'art, vous pouvez aller au-delà de. Mais si vous faites un acte criminel. Ça purge le mal qu'on a envie. Ouais, mais ça fait du bien. Devenez écrivaine comme vous l'êtes déjà. Non, j'ai pas envie d'être lue. Non, ça m'intéresse pas de distraire les gens qui se démerdent. Donc voilà, mais par contre, docteur. Ah. J'arrive, Angélique. Oui, c'est Satan à l'appareil. Okay. Oui, c'est Satan. Tu vas me ramener qui, là, de la radio? Bah oui, mais c'est important, c'est la capacité de l'art. En fait, ce n'est pas refouler votre envie meurtrière. C'est de le déployer dans un terrain autre, dans l'art, justement, parce que comme ça, vous pouvez tuer la personne une multiple fois. Et chacun, quelqu'un qui va lire ça, va être continué. Non, je refoule pas. Mais si vous dans le la paix. Faut être dans la paix, comme non, il a dit. Non. C'est la non. Pas devant les enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, non, mais je suis un peu ce qu'il dit le chroniqueur de la gastrosophie. C'est-à-dire que si on a envie de tuer quelqu'un, on peut l'écrire, et quand l'écrit, ça devient infini, quelque part. Ouais. Par contre, si on tue quelqu'un par des vrais, on le fait qu'une seule fois, et après on reste en prison. Ça soulage, quoi. Après, tu vas boire un café, personne. Tu fumes ta clope, comme le magnésium ou le sexe, et tu passes mais autre chose. Hein. Et après, c'est des années en prison, vous êtes perdu. Qui vous dit que je vais y aller ? Qui vous dit pardon, que j'y serai allé ? Non, mais comment on peut passer de dire et de plus, la tout le monde sait que c'est un de la capacité, type, personne n'aurait pleuré. Capacité de créer un monde, un nouveau monde. Satan l'appelle, il revient. Voilà. Mais ouais, c'est la chronique de gastrosophie. Okay. Mais non, docteur. On a encore 7 minutes. T'as qui le tour hein. Oui, mais c'est vrai que ça peut être choquant ce que je dis un peu. Mais non, il aurait manqué à personne ce type. En plus. Donc voilà. Mais vous en auriez manqué parce que vous auriez en prison. Oui, j'aurais manqué. Puis il y avait des caméras dans le métro. Donc il y avait les flics de la SNCF. Donc pour le coup, j'aurais peut-être raté. Donc on m'aurait pas manqué. T'aurais manqué à tes enfants. Oh, c'est beau ce que tu as dit. Bah ouais. Les enfants, ils auraient souffert de ce geste. Voilà, tu vois. Bien dit. Pensez à tes enfants, tu vois. Ouais. J'ai mis un peu de musique. Quoi ? C'est beau ce que t'as dit. C'est la pub pour la. Et on aurait peut-être dire que c'est la fin. Non, on a encore 6 minutes. J'ai mis un peu de musique pour changer la. Pour se détendre. Ouais, voilà. On était dans les glauques. Pas voulu, mais souffert. Qui n'a pas parlé ? Toi ? Vous ? Isabelle n'a pas parlé. Non, Isabelle s'y a parlé un petit peu. Tu m'as touché. Clara, c'est en train de. Oui, tu veux parler ? Tu veux parler à quelque que chose ? C'est ce qu'ils essayent de me faire comprendre plusieurs fois. Mmh. Isaac ? Tu veux parler de quelque chose ? Tu m'as fait comprendre une autre chose. Encore 5 minutes ? Tu avais parlé à la place. Mmh. C'est comme si tu étais criminel et devenir soi-même criminel. On peut en parler de ça ? Oui, c'est bon. Tu nous mets un Chris Brown après Under the Influence. La tenace était. Après, je fais un sautiste pendant que tu chantes. Je te donne de la bonne énergie. Alors, dans le tour des présentations, oui. Je suis Isabelle. Ah. Voilà. Capestan, secrétaire médicale. Ouh. Ouais. Et pour en revenir à Clara. J'ai 40 ans de psychiatrie, du bon côté. J'ai été pendant plus de 20 ans au séminaire du docteur Zaguri. grand spécialiste des serial killers. J'ai connu Michel Dubec. Tu connais? Je crois, oui. Voilà. Et là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Mémoire d'un expert psychiatre, mmh. un vrai, de Lyon. C'est un petit pavé, mais c'est décrit un petit peu comme un roman, mais on est en plein psychiatrie, son unité, SMPR, la prison, aïe. Sa vie personnelle. Et il est parti à la retraite, si j'ai bien compris, c'est parce que bon, il avait le droit à la retraite. Et sa femme tombe malade d'un cancer. Et donc il joue entre la fin de sa profession de médecin expert psychiatre et de la vie familiale. Et ce qui est très intéressant, c'est que lui, dans le bouquin, il est donc expert psychiatre et sa fille est avocate. Donc lui, il va faire une expertise, en gros, hein, je vous dis en gros, mm-hmm. disant je le mets en prison. Elle va devenir l'avocate, en gros, de ce maître. Et c'est le père et la fille, ouais. le père psychiatre et la fille. Donc ils ont des grandes discussions autour de cet homme. Leur non de, le, de leur profession en fait. D'accord, c'est mais ils avaient le même patient. Lui, il avait un patient et C'était pas le même patient, mais. Ah, d'accord, ok. Elle, c'est. Non, c'est. J'en suis tout au début. Quand lui va parler d'un de ses patients, elle dit : mais tu te rends compte, si tu le mets en prison, il risque d'être condamné à temps. Enfin, il discute. Mmh. Pas autour du patient, mais plutôt autour de leur propre travail. Ah là là. À chacun. Et comment ça se passe? Faut lire le livre. Ouais, t'en es qu'au début. Et leur rapport s'est tendu. C'est très c'est un petit peu à un moment, mmh. la fille se fâche. Et elle se fâche, mais pas avec la mère. Et puis elle revient à la maison. Bah, elle est fâchée, quoi. Mmh. Tu peux être fâchée. Et puis. Puis revenir quoi. Puis tu es ton mari. Parents. C'est un super bouquin, hein. Mémoire d'un air. Tu l'as bien vendu. Ouais, franchement. Il a travaillé à Lyon. C'est un mec de Lyon. Ça fait un petit peu froid dans le dos ou pas son univers? Oh bah comme Zaguri, Daniel Dubec, qui ont été des grands experts en France. Et est-ce que tu es passionné par ton travail? Par l'univers où tu travailles. Ouais, je suis folle dingue de mon travail. J'adore la psychiatrie. J'ai appris tellement de choses. Et il y a des patients que t'as pleuré? Eh bien, l'année dernière, j'ai perdu un patient. Je n'ai pas trop pleuré parce que quelques années avant, il m'avait volé mon téléphone. Et qu'on venait de fêter les 50 ans de mon frère, il y avait toutes les photos dedans, donc j'étais très en colère contre lui. 2 ans après, il m'a confirmé que c'était lui qui m'avait pris mon téléphone. Ouais, il est parti. Et ben lui, tu vois, les excuses, je les prends à lui. Voilà, tu vois. Mais par contre, quelques temps après, il y a une patiente qui est décédée que je connaissais depuis plus de 25 ans. Je connaissais la famille. Et j'ai pleuré et je suis allée à son enterrement. Et celui qui t'a volé le téléphone? Il est décédé. Ça t'a fait un petit pincement? Il était tellement dans la drogue, tellement malade, tellement... Tu t'es dit que c'est une délivrance pour lui? Je me suis dit, il est bien mieux où il est. Ah ouais. Bon, il est 18h, on dit au revoir à la semaine prochaine. Métanoïa. On chante un truc. Oh, bon, on peut pas se quitter comme ça. Là, on se croirait dans Pierre Belmar. Il a tué sa femme, il l'a mis dans un sac. À demain. Et t'étais comme ça. C'est comme ça. Non, mais sinon, vous étiez trop glauque là. Voilà. Ouais, Pierre Belmar. Il a bu un petit coup après avoir tué son chien. Il a jeté une chanson de Alors, je note les présents. Et moi, je suis comme ça. Ouais, super. Je vais arriver en route. Ah, c'est pas au milieu des gens.